إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إغاء جمون qu'il soit pour l'ignorance, qu'il soit pour l'oubli, chers frères et sœurs, d'un oubli, c'est une leçon. C'est une leçon. Derrière une personne, une blie d'une affaire ça, ou bien tu connais une vérité, ou bien sa mémoire tu connais, ça pas capable. D'un oubli, quand tu es dit, avant qu'il vienne comme un manquement pour ça du monde là, mais il vienne comme une leçon pour ça qu'il peut témoigner ça. Et ça, il n'est pas venu 6 dans l'époque actuelle. Dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme un événement en place, à partir de sa panne et réelle qui nous connaît, comment pour viser agir, ça ou maintenant pour viser faire, pour l'avenir. Même lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple qu'Alhamdulillah nous a cité, quand il finit faire un amal zohar, il virait, il était sur un compagnon, il s'est tout mis en tout tranquille. Un sahaba a dit à Rasulallah, de l'oublier ou bien diminuer? Il dit que le sahaba a dit à Rasulallah, de baisser des rakats. De baisser des rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à Abu Bakr radiallahu anhu, j'ai mon bendi raka, Abu Bakr j'ai dit oui. Il dit que Omar radiallahu anhu, j'ai mon bendi raka, il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit vous devez faire oui. Ensuite, Abu Bakr salam, il fait le système. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il me dit oui. Et comme ça même, il donne la main sur la même, il est fait depuis le deuxième raka, il est tiré. Allahu Akbar, il passe pour les tâches à compte. Il passe, il est prié. Depuis là, il fait un compagnon qu'on est, quand arrive sa situation, qui vise un faire. Donc, nous dire bien, quand arrive une situation, de nous dire, c'est nous mettre les sons qui sont là-dedans. Oublier la personne qui vient. Mais comment vous pouvez profiter avec ça? Actuellement. Nous prenons spécialement 10 pour ici, sans compter qu'il a le droit d'être pas appris 10 ici. Pour rendre dans ma zine, imam fait des bouts, veut dire, et chaque, ou bien n'importe qui n'amasse, moi, mon fini fait n'amasse, mon fini. Mais seulement les hommes rendent dans ma zine, à ce moment-là, fait des bouts. Qui m'a fait ça, d'ailleurs? Qui m'a fait ça, d'ailleurs? Pour rendre dans ma zine, je trouve, dans mon risque, nous avons 4 côtes, n'amasse décalé, 15 minutes. Et, moi, je crois, n'amasse 8h15, la guette 8h30. Et moi, on finit faire la marche, il y a 15 ans, on finit. Parce que quand vous rentrez la marche, on finit ici, ici. À ce moment-là, je vais débouler. Et vous verrez demain, c'est là qui vous puisse appuyer. Pareil, comment nous dire bien concernant votre action qui, à partir de la situation de Abraham, c'est de la marche spatiale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, dans la marche, dans. Mais tu peux galoper pour moi, bébé. Après la marche, on dirait qu'il était. Et facile de gagner qui s'en a. Parce qu'en tant qu'animal, il ne connaît pas les yéli qui veut passer. C'est pour ça que je vais vous dire que je vais vous dire. Il vous connaît. Il vous connaît, c'est la mouchali à step et vini, il va faire la carte. Il est vini, il est vini. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam demande à un sahaba direct, est-ce que toi qui fais ça? J'ai dit, oui, si vous voulez. Comment mon rentre dans ma site, mon groupe rentre de repos? Combien de temps je ne prends pas un rakat? Je ne prends pas un rakat. Combien de temps je ne prends pas un rakat? Je ne prends pas un rakat. qui les fait? Il fait Allah voit qu'il va rentrer dans le coup depuis qu'on passe, ensuite il marche dans le coup et minuit. Qu'est-ce qu'il y a qui vient là? Il rentre dans ma cible, Allah voit qu'il va rentrer dans le coup, ensuite il marche et il est. Il vient compléter ça. Mais depuis quand il rentre dans ma cible? Depuis quand il est minuit? Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zadak Allahu hirsan. Qui Allah augmente ton hirs. Hirs veut dire que tu surveilles une petite chose bien. Haris. Et qui est Haris, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne un titre à la fin sur la neuf, sur la tauba, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La kardeja akum rasul min anfusikum azizun alaykum ma anidum harisun. Haris veut dire qu'il veille, il gagne un traka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zadak Allahu hirsan. Qui Allah augmente sa traka qui te là. Voilà un taou. Vous n'êtes pas arrivé en gros. Tu ne pas tu pas arrivé. Après ça, est-ce qu'il nous t'a quitté Sahaba bien ça? Zaman. Est-ce qu'il nous a pas arrivé à aller? Non. Qui vient? Parce qu'il y a un interdiction de vini ou non? Interdiction de vini. Mais seulement quand il vient, il faut aller en kikanil. Il vient. Donc il est dans le bêté. Elle passe pour aller, mais j'ai un truc. C'est ce point que je comprends. Pareil comme ça, même chez le précepte, quand nous disons qu'on nous fait rire, nous ne pouvons pas nous remercier lui. Mais, alhamdoulilah, à travers lui, nous n'avons pas quelque chose. Nous rentrons dans ma cible, imam fait des boules, il est possible que nous rentrons dans ma cible, nous prenons quelqu'un qui a cible. Et puis, vraiment, on finit. Arrivé, c'est souvent quand même avec nous. Mais seulement de là, nous prenons une colle. Hadith, il dit, ma soeur, il n'y a pas de mal. Que dans Mina, dans la tombe Mina, veut dire qu'il n'est pas plus posé à cause de la tombe Mina. Hadj. Quand des bonnes compagnons viennent venir, quand on amasse des débouts dans Mina, des rétiers, le banan se demande, mais qui fait? Il dit, mais le fils fait la masse. Dès l'aide du masque, il nous dit, Allah, on nous dit, on vient pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit je porte avec nous comme une sunnah, parce que c'est une personne qui est obligatoire aux yeux, soit eux, je retire eux. Mais je passe ces autres témoins à Djamma. Je passe ces autres témoins à Djamma. Une action. Elle est de nous guetter capable, ça m'est même pensé pour une situation pareille. Mais c'est moi l'ennemi pour moi. Si elle namaz en Djamma, il me déboule, même pour finir faire namaz, si vous dansez à Mardid là, soit vous déboule ensemble avec Djamma comme une sunna, il n'y a pas de cause pour penser. Le diable n'est pas pécheur pour penser qui fait parce qu'ils ont des cas. Les anamas en diamant pas obligatoire aux autres, ça c'est une autre chose, mais pour un frère, donc c'est une de mon action chez un frère, nous éviter. Donc si comme on pouvait coster en martinant votre anamas sur les boules, reste à l'auteur. Ou bien restons en dehors, mais nous pas vivre dans ma zid là, après avoir dit Alhamdoulilah, ça qui est obligatoire, nous finis faire oui non. Nous finis faire. Et ça, nous finis faire oui non. Donc, il finit faire, mais seulement l'action d'assis en regardant. Un diamant passe devant nous, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait conseiller nous autrement. Pareil, nous disons bien pour nous terminer ce petit rappel là, pareil comment Azan. Azan. Nous disons, mais qui Azan? Qui Azan? Après ma vie, mon assisté, on fait causer avec. Pourtant, on fait causer, il reste la main. Manque de nous rester là. Azan et Chalouni. Quand nous dit, il y a un signe. Qui m'observe? Aïe, on ne peut pas commencer. On a commencé, puis là, on fait chaque fois moi-même. First, tu fais Isha la masse. Tu fais Isha la même. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dit clair. Si vous donnez un masse, Azan donné, ou le condamné pour faire, vous faites un masse. Malgré que quand vous prenez, moi, tu vois la carte, moi, tu vois le faire, il y a un masse, comme moi, oui, non. Et puis, qu'est-ce que je dis, on fait pour ce manche, quand on parle là-bas? Personne ne dit où ça. Mais seulement la loi masjid, c'est que quand on donne azan dans masjid là, il y a un boussa nastir. Boussa masjid. Il y a un boussa masjid là. Donc j'ai l'impression qu'on vient dire, c'est ça la connaissance de Noudin. La connaissance de Noudin, c'est quoi? C'est que demain, on peut rentrer dans la chiyou, on peut rentrer dans sa classe, mon corps est dit à moi-même, mon djahi. Ça m'est bien de nous. Un jahil de qui façon? Un jahil de l'essence qui? Et là, dis-nous, il n'a plus beaucoup de l'essence qui mal au salatier. Mais c'est mon ignorant, oui, non? Mon ignorant. Moi, il a ça à régler là devant moi. Qui régler? Pour pas que nous puissions faire concernant nous. Tant que nous apprenons, nous connaissons quand c'est nous pas? Nous pas, tu connais. Nous allons aimer tout ça. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Et là où chaque qui gagne qui la connaissance, et n'en qui et n'en qui peut connaître. Prends 6 dans ma tête là. Commence par celui qui peut causer ou celui qui peut écouter, et n'en qui gagne qui peut connaître qui nous ou non. Il y a les comme ça. Il y a les comme ça. Même ça qui peut connaître, ça qui connaît pas ou non là. Lui, il y a c'est ça qui là ou là. Il n'en peut connaître qui lui ou non. Il y a les comme ça. Mais c'est ça la connaissance. La connaissance, c'est pas une petite chose qui vous plie connaît, mais c'est une petite chose qui, alhamdulillah, vous connaît. Et dis-le. C'est des petites choses. La connaissance, c'est pas mon pli connaît. Mais la connaissance, c'est quoi, cher frère et soeur? Alhamdulillah, mon connaît. Cher frère et soeur, bismillah. Nous commençons par nous dire, après avoir qui, parmi les principes, Allah subhanahu wa ta'ala de se sagesse sans limite, quand il filme, par un événement qui prend place, avant qu'il termine ça les monde. Avant qu'il termine ça les monde. Parce que si nous mettons, cher frère et soeur, nous mettons une action comme un tsunami. Nous mettons une action comme un tremblement de terre. Nous mettons tout ça là, mais c'est trop facile. Allah subhanahu wa ta'ala termine ça les monde, c'est pas que je sais non. Mais ça doit pas, il y a un principe. Il y a un principe qui vient amener, qui au fait, il faut aller étape par étape. Avant qu'il termine les mondes, les Allah subhanahu wa ta'ala, il fait couler qu'il y a une bonne créature qui fait surface, qui appelle Ya'djouj Ma'djouj, Gogé Mahdou. Il fait couler ça. Donc, quelqu'un vous pose des choses, mais qui fait ça à la fin, mais moi, je connais la réponse. Jamais je connais la réponse. Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait lire ça, dans sa façon. Alhamdulillah, la dernière fois, nous venons de bonne précision qui ressort, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a mené concernant sa bonne créature, qui font partie des enfants Adam, qui font partie des enfants Adam, concernant son visage, concernant son péché, concernant la qualité qui a pas subhanahu wa ta'ala fin d'un seul, concernant son quantité, quantité qu'ils ont été, et pour aujourd'hui, inshallah, chers frères et sœurs, nous commençons par nous dire, le hadith qui tourne sur le Bukhari. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il rentre la case, dans un état de panique. Au fait que nous tenons ce hadith, qui est ce hadith? Ce hadith qui raconte nous, fait nous une situation physique de sa prophète-là. Qui fait les bons écoutes, les plus bien? Nous voyons pas les gens, nous n'avons pas écouté. Parce que sa prophète-là, cher professeur, lui garantit Jannah ou non. Garantie Jannah. Sa prophète-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à lui, « Wa ma kana Allahu li'adhibahum wa anta fihim » Allah subhanahu wa ta'ala pas pour punir sa peuple-là au Muhammad, tant qu'il te promise. Veut-il qu'à l'amitié Allah pour descendre quand sa prophète est vivant? Ça va lui descendre. Mais malgré ça, il est dans sa prière-là, oui non. Il est dans sa prière. Dans les haines qui déjà épargnées depuis sa bonne petite chose-là, il est dans sa prière-là dans lui. Mais moi, Azoti, prière-là continue. Prière-là continue. S'il si est dans son époque, il est sûr que ma peau ne va pas sortir dans son époque. Malgré quand c'est fini dans son profil. Malgré ça, c'est moi qui y en a. Il y en a une prière pour ça. Il y en a une prière pour ça. Il dit avec son madame, malgré le ban arabe, certainement qu'il y en a une fissure, une cassure. Dans le barrière qu'il y en a entre nous et Yadjou Djamamakjoud. Et son madame, dans sa hadith, là, qu'elle nous connaît, qui fut sûr qu'il peut causer, cassure qu'il peut causer, lorsqu'on s'entend pour aller du voisin, qu'on se pousse, joigné avec son index, comment nous faire un zéro avec nous l'ami. Qu'est-ce que ça peut finir là? Et Alhamdulillah, ça vient passer, nous dit dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait une raison de combien couder? 120 couder. Et nous rectifier bien, ça vient passer, nous dit dire, enfants Adam et Salam fait une raison de 30 couder. C'est-à-dire, qui vient glisser. C'est au fait, Adam et Salam fait créer 60 coudées. Et là-dedans, il a fait un vêtement. Dis-moi, tu connais 60. Mais on va dire. Faudrait pas nous mettre dans une pause pour hier. Qui la cause comme on veut causer, c'est pour faire des rêves, j'ai continué à demain. Non. Moi, je dis à 30, sur 65. Ok. Mais dis-moi, il y a là une erreur mathématique. Nous dis à 30, Adam et Salam, 60. Gog et Magog. Au fait, donc, 60 Adam alayhi salam et Gog et Magog combien? 120. Adamec 100, 60. Gauguin Mabou, 100, 120. 120 coudis. Qui grandit sur les dialogues? Un fichier, qu'est-ce que ça grandit là? Qu'est-ce que ça grandit là? Un sac pas passé là. Malgré sa prophète, un Pierre William. Si 6 in gagne un coup, deux autres 120 coudis, moi je ne peux pas passer là-dedans. Je ne peux pas passer là-dedans. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini, c'est connu, malélo non. Malélo ben arabe. Malélo, ben qui vous dit après. C'est fini, il y a ça pour vous. Puis quand vous sortez, il y a quelque chose pour arriver à nous. Quand vous sortez, il y a quelque chose qui peut arriver. Et ça, on fait un peu de chier pressé pour nous étudier la semaine passée. Hadith dit tout de même, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique que vous sortez, c'est plus grand parmi ceux quand je fouillais, et là, attention, le dis bien, plier la personne, plier qui s'en a, lui rester qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il causait, il cause pas, pas wahi. Il cause pas wahi. Chers frères, si le prophète, il vient nous fouiller, qui ne comprend pas ça? Fouiller. Nous redire, si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous, gore ma gore peut fouiller. Qui ne comprend pas ça? Fouiller. Mon réponse à cette question là, 10 fois, nous avons même réponse oui non. Si un kitaine dit comme ça, nous n'avons pas fouillé ça. Mais au fait, c'est une expression. Ça dit, nous, là, au fait, qui nous dit qu'il est fier? Ça dit, nous, là, nous dit, tu peux interpréter par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute façon. Parce que ça, prophète là, en tant qu'être messager, est-ce qu'il vous cause A ou B, nous vous comprenons B? Ça veut dire que ça. Il cause A afin qu'il nous comprenne A. Si il y en a qui nous B, qu'il nous fait A. C'est nous B. C'est ça, Wahi. Wahi, il descend pour ça, pour moi, là, comprend. Et non pas pour nous interpréter parole là. Il dit nous, Gogé Mago, fait fouiller, être sûr, cher plaisir, Gogé Mago, fait fouiller. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître jusqu'à qu'il y ait un petit trou là-dedans, et je dis, non, allez, demain nous continuons. Puis qu'on va nous autres qui faisons là. Et lendemain, que je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui une plus solide qu'il y était la veille. Je devrais fouiller. Le temps de retourner, troisième, je lui dis, plus solide qu'il y était la veille. Mais c'est le premier jour là qui m'est arrivé. Des fois plus solide. Il y a les mêmes comme ça. Ce lendemain, plus solide qu'il y a la veille. Il y a les mêmes comme ça. Il y a les mêmes. Jusqu'à qu'il arrive le jour que plus grand là, dire comme ça, moi, allez, demain, nous récontinuons, fouiller. Inch'Allah. Et combien de temps ça peut fouiller là? Nous pouvons causer l'époque avant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire ce qu'on nous prend le nombre de jours. Qui a été plus solide sans vignaster? Mais seulement, cher professeur, jusqu'à arrive le beau jour, quand ça fait plus grand là dans la dire. Nous allez, demain nous continuons fouiller. Inch'Allah. Qu'est-ce que ça passe là? Une phrase non habituée, dit ça. Une phrase non habituée, dit Ali, et si dans non habituée, dit Ali, nous prenons les trop léger. Mais seulement, est-ce qu'ils vont réaliser, qu'ils vont réfléchir, qu'ils vont dire in. In veut dire si, une condition ça. Si, une condition ça. In en arabe, les vins de ban rou, ban mou. Qui nous servit pour nous mettre une condition. Sha'a. Sha'a veut dire couler. Allah, Allah. Si Allah voulait, cher frère et sœur, essayez de réfléchir pour un moment qui dit chose qui n'arrive pas, qui Allah parle. Qui dit chose? Qui dit chose qui m'en gagne pas? Moi ça. Moi, mon frère, ça c'est pour là. Moi, mon servi mon intelligence. Moi, mon servi ça. Moi, quelque chose, Ou bien tout quelque chose faudrait avoir fini ou bien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, sur le taqwir, il peut dire Wa ma tasha'una illa ein, Inch'Allah. Tu n'es pas capable de l'énormir. Excepté ça qui Allah, voulait. Cher plaisir, essayez de prendre ça, vive avec lui. Tout ça qui arrive, nous, inarrive, nous, quoi arrive, nous, qui s'en a oublié ça? Faudrait en avoir. Faudrait en avoir. Notre plus simple. chers frères et sœurs, c'est la base pour notre croyance en celui qui est humain. Pénanoï qui arrive pour dire là-haut. Souleymane alayhi salam. Souleymane alayhi salam est un prophète. Et un prophète se teste, puis Dieu. Le seul époque qui te permet, il y en a 100 à l'âme, 100. 100. Pas que j'ai pas 4 les prophètes. Non, dans seul époque, la loi l'autre. L'idée est ça la nuit là, vous avez une relation avec tous les 100 madames et vous avez des enfants, vous faites tout vite. Pas nous dire, pas nous voir la chez maman. Il y a bien, parce que la loi dit la vérité. Chers frères et sœurs, un prophète se teste, il dit après 9 mois, Allah subhanahu wa ta'ala de lui zis la moitié des enfants. Oh. La cause qu'on dit, ça n'est pas dire, Inch'Allah. Comment qu'elle est devenue? Sur l'intention, tu vois, oui, non. Sur l'intention, tu vois, oui, non. Mais c'est non plus une ratée de son parole. Mais nous, comme tu nous dis, oui. Mon gars, il fait depuis un problème. Moi, je suis en train de ta parole. Puis tu auras ta parole. Il y a comme des fois, il fait tout. Il y a comme des fois, il fait tout. Et les temps d'indien, moi, ça, si t'as envie de dire, on a une tranquillité, ça, vous oubliez tout, parce qu'avant, on peut les faire la place. Si t'as envie de la conviction qu'on a dit, moi, je dis, vous devez même vous faire du coup. Ça, faire une initiation, vous devez bien. Quand je vais confirmer, non, oui. Qui fait? Parce qu'il y a une insane, comme moi, l'indien, moi, demain, il vous faire. Vous oubliez qu'ici, il vous faire, qui ça qui s'en a oublié, qui s'en a qui en premier, bizarre ou les hommes. C'est pas là. Vous oubliez cette étape-là. Vous oubliez, chez vous. M'oublier ça, une sainte qui me dit à moi ça là, pour aller à là où les boulis capables de faire ça. Mais quand c'est qu'ils sont venus briller comme ça, nous? Quand c'est qu'ils sont venus briller? Donc, des fois, nous, ou bien ça dit monde qui nous connaît là, la cause n'importe qui position qui était, quand il nous donne nos paroles, ça n'est pas mal de ce parole, ça. T'es obligé, mon Dieu, toi. T'es obligé de malade à l'autre. De malade, si t'es obligé de le foyer. Parce qu'il paye une annoyée qui arrivait, excepté, faudrait Allah voulait. Chers frères, c'est ça nos croyances. C'est ça nos croyances. Pina Nomi qui est arrivé, excepté, il faudrait Allah oublier. Si c'est cela, nous guet l'exemple. Gogé Mago, Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé comme ban, Fitna. Ou bien du jeu de là. Mais seulement je connais qu'il faudrait Allah oublier, oui non. Si Gogé Mago comme ça, vous m'envoyez comme ça, regardez-moi malade. Si un iblis in the boot, il dit à Rabbi, Andemi il a yom yubathoun, oh mon Rabbi, fais-moi rester jusqu'à jour qu'yama. Veux dire, il connaît si Allah voulait ça, ça peut arriver, oui non. Et un iblis, sa croyance d'Allah, c'est quoi? Il connaît si Allah voulait ça, qui chose là peut arriver, oui non. Il demande. Moi, je vais couper tout ça. Comment je vais couper place, confiance, le mot même, cher frère? Pénal non, il ne va pas faire. Excepté, il faudrait. Sa phrase à l'ibisin donne au bout de la lame, Inch'Allah. Arrive ça qui arrive, Inch'Allah. Si Allah voulait. Et moi, je vais dire vous ça, je vais dire pour moi, je vais encore un bon pas d'esclave. Non, non, non. Vos croyances, ça faudrait Allah voulait. Après, c'est tout. Pour Allah voulait. Quand Allah qui nous les lit, Allah nous représente. Nous contient, chers frères et sœurs, de là, nous trouvons qu'il y a toujours un moment, toujours. Un de mentalité qui se tient, c'est qu'ils se connaît. Faudrait Allah, faudrait Allah oui. Et quand je finis ça, effectivement, le lendemain, quand je finis, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, fait connaît, qui s'affiche là, du pour préparer, ça peut là pour rester, je continue à porter de sa trou-là. Et là, je continue, jusqu'à ce qu'ils se sortent. Quand est-ce qu'ils pourraient se sortir? Sans aucun doute, c'est après l'arrivée de Isa alayhi salam. Il faut dire que ça laisse un ami descendre dans la terre. À ce moment-là, ils ont sorti. À ne pas confondre. Mais tiens, si nous prenons comme ça, est-ce qu'il y a un peu de mal pour la terre et d'adjal pour la terre? Non. Non. Qui fait? Parce que quand finis-tu d'adjal, quand Isa laisse un ami finis-tu d'adjal, quand il continue, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme un amour de montagne, pour pouvoir voir un, pas pour un peuple. Mais tiens, maintenant qu'on sortit. Après avoir dit, fait deux, d'adjal. Ça n'est pas comme ça, c'est dans la paix. Alhamdulillah, quand nous prenons le début, il m'a marqué Il reconnaît Isa alayhi salam, en même temps Dajjal il sorti, quand il tue Dajjal, c'est après quelques temps qui, Ya'juj wa Ma'juj, Zot sorti. Parmi nous, j'ai bien, parmi les fitna qui sont faits, chers frères et sœurs, parmi. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui montraient qu'il y a des fitna qui sont faits dans la terre. Quand je passe devant la place, je peux boire tout des loups qui est là. Je peux boire tout des loups et quand je bois, je ne bois pas mal de mouvement. Je passe que la rivière qui citait devant la terre, premier là, il boit, il va même qu'il boit, qui est à l'orient. Je ne sais pas si je ne vais pas faire et maintenant, qui commence, je te dis. Qui quand je passe, je bois et je finis tout des loups. Mais pour moi, ma plus grand fitna qui se pouvait faire, chers frères et sœurs, c'est un ram. Pas Ram Jivano. Ram, c'est une montagne qui trouve environ 10 à 15 km découverte du Maqdis. Védier de Koumazel Aksa. Une montagne. Sa montagne-là, chers frères et sœurs, c'est quand vous et Magog qui allez, je n'arrive là-bas. Je n'arrive là-bas, je ne sais pas trouver accepter, je ne peux pas. Je ne pas trouver accepter, je ne peux pas. Qui fait? Parce qu'il va le croyant, il s'allait s'amener pour ça, il montait ou non. Vous savez trop personne? Vous ce que je dis? Et le vie, tu habites dans la terre. Résume le tu vas habiter dans les chiens, la terre. Quelle croyance qui n'arrive là? Le vie, tu tout habitant la terre. Vous savez trop personne de la terre, accepter, je ne peux pas. Résume le tu habitant les chiens. Chers frères et sœurs, je tiens, je prie, je prie la direction des ciels et je dors. Je fais ça chemin. Je tiens, je prie, je prie la direction des ciels et je dors. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait avec eux. Pareil comme ça dit mon, qui quand il est en difficulté, il y a le dimanche dans l'autre qui mourra. Dans la mort, il est vivant, il y a le dimanche dans ça qui mourra. L'autre là, il y a une rose. Il y a une rose qui fait une forme. Si pas une défense, il y a le dimanche. Vous connaissez la clé là-dedans? Quand les dimanches les cultes, j'ai gagné par exemple. Il gagne. Vous connaissez les cultes là-dedans? Il gagne tout. Oui, dimanche il gagne. Oui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître l'yazdar et l'ifma pour prendre son péché. Fait lui rentre là-dedans. Fait lui rentre là-dedans. La cause, c'est quand il était premier mandat. Il n'a pas son premier accord. Qui arrive, le 10 Muharram. Il réussit. Le 2 Muharram, qui lui fait? Il fait deux mandats d'un seul coup. Il y a la tasse déroulée cette fois-là. Parce que le premier qui lui fait là, il m'a aussi. Qui vous dit, là, c'est pas sorti. Le numéro là, c'est sorti. Il y a les mêmes comme ça. Ça, c'est le principe. Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on demande un autre apport, il va servir mauvais moyen, il fait où? Gagner. Plonger. Jusqu'à quand on arrive à une place, quand on est là, on est plus trop. Les rases. Ça, c'est le principe. Allah subhanahu wa ta'ala. Je croyance, c'est quoi? Je finis tout. Habitant la terre. Reste-toi. Habitant les chiens. Je lance votre flèche dans l'air, Allah subhanahu wa ta'ala retourne sa main flèche là, tout rempli de tissant. Tout rempli de tissant. Veux dire pour ceux qui viennent faire. Eh, vous avez vu le temps de chien. Et vous croyez, je crois, mignon, pas ça. Ça, c'est un prêtre qui montrait nous, chers frères et sœurs, comme on comprend qu'il n'en est pas arrivé excepté par la permission d'Allah. Est-ce qu'il m'a compris capable de retourner vers les bannes des autres apports d'Allah? Je avoue, je flèche vers les ciels. Et quand il retourne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas retourné en faisant du dos, mais il retourne rempli avec 10 ans. Quand je get place là, il est arrivé. Je trouve avec 10 ans, je viens tranquilliser, j'ai mis du tout, oui, non. J'ai mis du tout, résiste ça, non. Résiste, donc, et ma goutte, l'eau, la terre. Ça, c'est un pour mi ban fitna qui se trouve l'eau, la terre, sans compter qu'il ban de l'eau qui se trouve boire. Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Parce que l'eau, la terre, là, je peux vivre. Chers frères et sœurs, Isa alayhi salam avec son compagnon, je invoque Allah. Hadith de Sahih Muslim, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour finir maintenant. Parce qu'il m'a dit, envoyer la terre à lui. Parce que quantité je l'ai dit. Qui quantité je l'ai dit. Parfois, quand vous dites, je ne demande pas les signes, je veux dire qu'il y a 500. Non, je ne pouvais pas tout le salarié là. Je veux des millions et des millions et des millions. Ça quantité là que je l'ai dit. Ça, un qui vaut de 1000 fois des lieux. Chers frères et sœurs, après avoir dit Isa alayhi salam, il fait le roi avec Allah subhanahu wa ta'ala et son compagnon. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un levier. Un levier. Au fait, ça levier là, il vit dans Néné Chambou. chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'à travers les oiseaux, Allah subhanahu wa ta'ala est dans le salaire de l'Ordre. Donc ça nous l'a dit à Porto. Mais là, on y vient. Ça les vient là qui? Manger pour tout là. Après avoir qu'il y avait ça, les salam pour faire, ils viennent de loin. Mais seulement la façon qu'ils ont mot le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, mortem kamor inaction wahida. Ce mot, comment dire, un seul djimounimou. En deux mots, de tout mot, un seul. Malgré qu'ils ont éparpillé l'eau la terre, ce n'est pas un mot par un mot. Quand ce mot, je préfère, après avoir qu'il y avait ça, les salams qui fait de loi, un seul coup, ce tout pour mot. Et en fait, dans ce mot-là, ce n'est pas si je dirais lesquels est arrêté, je tombais comme ça, ça. Non, ce clameau à travers sa lumière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit comme ça, qui se éclate. Comment nous connaissons, c'est Hadith qui trouve dans un Sahih Muslim que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Wahi, en l'époque, un parmi ban qui, ensemble avec Aïssa, les salam ban musulmans, vous dire si un qui est parmi eux, tu es capable d'aller guider, ban qui fait nous la pierre, mais tiens, nous, il m'a dit. Personne n'a pas bougé. Elle n'a dit comme ça, moi, allez, moi, nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai nous. Psychologiquement, ça dit que les gens qui ont dit ça, ils connaissent les gens. On ne peut tout le monde se trouver que je fais. Je tue. Psychologiquement, ils connaissent, ils ont dit ça. Mais c'est bon, les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont accepté d'être disponibles pour faire ça. Les temps d'y aller, excepté qu'ils trouvent maintenant, PNN, pas. Ils trouvent que la viande ou la terre. La terre, PNN, pas. Excepté pour une quoi, je lâche. Mais dis-moi, je bois l'os. Je déclare. La source en l'endroit, pour aller voir ça, ne dit pas pour une pâle ou la terre. Excepté qu'il pour une lâcher, gogue et magot. Sans qu'on se le dise qu'il est venu. Sans qu'on se le dise qu'il est venu. Donc là, être sûr qu'il est venu, Les comptiers, je présente, la source en l'endroit, pour aller voir ça, les dire. Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer les oiseaux. Les oiseaux comment? Les oiseaux sur la tête, comment dire la tête? Samoul. Et là, du coup, nous mettons. Quand nous mettons dans le surah qui nous prouve, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire tous les vendredis à Masri. Là-dedans, il y a surah al-Rashiya. Et là-dedans, il y a un ayat où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah yandurouna ilal ibn ilal. Est-ce que ce mari est un sabot comme Allah fait créer? Comment nous t'en sommes là? Mais seulement qu'il joue vraiment un récit qu'il y a les dents, il faut qu'il y ait un sabot. Moi, pas les plus qu'il y ait un sabot. Est-ce que nous on dit qu'il y a les dents? Pas qu'il y a les dents. Classico, il y a les rapides, je ne sais pas les rendre à des petits. Ça les résigne les dents. Mais seulement des années qui allaient me dire comme ça, Samo, il n'y a pas gagné de temps. Il n'y a pas risqué de temps. Chers frères et sœurs, qu'il soit dans le Coran ou bien dans le Hadith, des centaines d'exemples, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, amenés pour amener sa croyance pour comprendre un Samo c'est quoi. Ça, c'est l'oiseau qui pouvait demander sa banane à Viana. Allah subhanahu wa ta'ala fait une crise avec la tête pour dire la tête, ça mou. Là, tu es ça mou même? Oui, là aussi, ça mou. Les vies qui vous montrent quand tu es là. Non, néné, ça mou. Quand nous avons une hadith qui cause concernant l'enfer, quand un habitant l'enfer pour boire, qui comparaison de prophète vient à venir pour dire ça mou. Quand nous avons tout ça, une petite chose là. Un celui qui vient du mois de premier lire, comment dire, il vient d'un. Un ça mou, il y a des mecs comme ça. Comme nous connaissons comme ça. Mais c'est le mot qui dit qu'il va réussir à prendre. Un sabot qui est. Ça ne va pas réussir. Mais nous continuons pour nous dire, c'est de là qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sa banne d'oiseau, là, chers frères et sœurs, pour que mon savane n'a bien. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait un gros lapli tomber, il a volé. Gogé ma gogé, il n'a même pas eu. Mais dire, c'est une étape qui peut passer de ça à la terre. C'est une étape qui peut passer l'eau sur la terre là, par exemple, le bon événement qui reçoit son endroit pour les personnes qui viennent nous, connaître. Et à la fin, chers frères et sœurs, les bons nous connaissent. Après qu'il go et ma go, il finit par se l'eau la terre, comment la terre pourrait être. Parce qu'imagine, on va savoir ça avant qu'on ait un mouillon. Pourquoi la mouillon? Parce que c'est très descendre. C'est très descendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous la garantie quand il dit la yahoutoun al-bayt wa liyahdamim l'anna. Bada kouroujo yahjouj wa mahjouj. Tout bandit monde pour faire hajj et pour faire umra après avoir dit donc il m'a dit disparaît tous à la terre. Donc la terre pourrait être une bombe pour vivre, oui non. La terre en nous détachant de serre et pourrait être une bombe pour vivre. Dès là, nous gagnons sa création sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne-nous concernant le Gémagou. Bonne étape qui nous a connu concernant Yamjou, Javamadjou, et quand nous disons la dernière fois, cher professeur, puis grande explication en gros, les lignes de Soura qui est le Soura sallallahu alayhi wa sallam, qui nous recommande pour nous lire tous les vendredis. Et dernier pour nous terminer pour aujourd'hui, parmi bandes signes. Quand nous mettons un signe, ce n'est pas un signe à la poche pour nous prendre quelques semaines dans cela, non. Un qui tombe de un grand signe, comme l'imam Mahdi, Aïssa alayhi salam, Gog et Magog, Dajjal, parmi ces signes, c'est tremblement de terre. Tremblement de terre. Mais seulement côté ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est cause de 10 petites choses, pas pour arriver, excepté qu'il te connaît, que si ça ne prend place, je prie à Madiya la peau. Pareil, j'ai Madiya la peau, n'avait d'elle plus près. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khasfa, qui veut dire bouger. La terre tremblée dans l'est, la terre tremblée dans l'ouest, et il continue de dire Wafi Jazir et la péninsule arabe complètement, la terre tremblée. Quand on a dit ça, ok. Mais on a dit dans la pompe, la tête tombée. Dans l'Amérique, bon, disons, on a un petit peu, on a un peu. Moi, mais la tête pas trop drôle pour tomber. Mais c'est pas le business arabe là. C'est pas tombé drôle, j'ai dit. Pas tombé drôle. Si vous pouvez trouver dans Dubaï, bah, il y a fait une année, écoute, pour moi, si vous avez une coupe des champions, pour moi, vous donnez 1 million d'euros à jouer. Mais qui doit attendre pour arriver comme toi, douce? Qui doit attendre pour arriver comme toi? Si tu peux trouver, quand il arrive les 1er janvier, d'après les statistiques mondiales, celui qui fait plus jolie fête d'année, c'est mon arabe. Je vais attendre une fois, Luz. Parce que tremblement de terre, je suis un professeur, oui, il n'est pas mis par signe, priamant, mais seulement il n'est pas mis pour plaisir. Allah, il a collé d'Allah là-dedans, oui, non. Il n'a collé d'Allah là-dedans. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut préciser, qui jazir est l'arabe, j'ai l'impression que nous réfléchissons à une petite chose pareille. Est-ce qu'il est plus loin pour nous comprendre? Mais si Allah subhanahu wa ta'ala se collait à venir et qu'il y avait une place comme ça, comment se trembler? Est-ce qu'il nous dit, ah, il y a un arabe, reste là-bas, mais quand il y a un arabe, il fait une vie éternelle. Par contre, c'est une petite chose qu'il peut faire là. Vous connaissez 1 million d'euros, c'est quoi? Il vaut environ 40 millions de pays. Il est donné pour les victimes, il est disposé pour ça. Il est disposé pour le collègue qui casse ça. Toujours, vous voulez que je casse ou non, je casse dans ce poste. Vous n'allez pas croire où ça. Mais seulement pour nous comprendre, et là, mais c'est ma cause de paix, quand je vais dépenser. Mais si l'invin en public pour lui dire ça, mais comme il faut dire, il est caché, il va le dire. Mais c'est parce qu'il peut cacher là ou là. Si nous avons caché là ou là, combien de nous sommes chez eux? Donc, si demain arrive une telle calamité devant un pays arabe, avant de mettre un point de tête au gâchou, là-bas, ou bien nous commençons à réfléchir. Non, parole est mauvaise de commencer à réaliser. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et commence à réaliser. Chers frères, c'est basant nos questions qui nous viennent gagner. Parce qu'après ça qui vous finit, c'est la fumée. Depuis la fumée. La fumée qui vous sortit. Vous pouvez nous connaître, je vous prie avant de approcher. Ensuite, ça, c'est un animal qui vous saute dans, ça va, pour cause avec Bandimoun. Et sans aucun doute qui restait, le solidaire pour les normes. Malgré qu'il nous prend un des rois de 3 semaines. De 3 semaines, toutes ces 5 minutes là-dedans, quand nous avons Mufti Gogol, nous taper l'eau là, est-ce qu'il est possible de solidaire dans l'Ouest? Tapez en anglais, en français, pour vos réponses sur aucun doute. Qui un soleil qui tous les temps nous brûle les dans l'est, est-ce qu'il est possible qu'il soleil là les dans l'ouest? Nous gagnons la réponse. Mais la question que nous avons gagnée, mais Inch'Allah, quand nous avons ça, qui nous parle plus? Nous les avons dans le chemin. Qui chemin nous était? Nous avons prendre la hand de l'État et nous avons passé à Sakral. Nous avons nous rouler ma finale. Papa, nous avons commencé PMA, cher professeur, un de mes rappels qui n'a pas de Coran concernant la croyance dans Allah, c'est 10 jours PMA après. En deux, pour étapes qui nous viennent après avec nous, nous commençons à porter la trompette. Qui trompette? Quand Allah subhanahu wa ta'ala pour donner l'eau, ange là pour souffler de trompette, pour faire tout le monde rélever. Quand tout le monde rélever, jusqu'à que ça le monde n'a pas en direction, soit Jannah, soit l'enfer, tout le étape qui est dans là-dedans, c'est ça qui peut venir avec nous, nous plier bon. Mais pour nous, aujourd'hui, Inch'Allah, prochaine fois qu'il nous donne, chers frères et sœurs, c'est lundi le 28 avril. C'est lundi le 28 avril. Mais dans lundi, nous disons bien, pour une fois, on commence un dessin ici. Fait-il, vous faire des sons là 3 semaines. Les 7, les 14, les 21. Vous faire des lundi. Définitivement, quand nous retournons, Inch'Allah nous reprend nous. Finalement, ça se fait de sa place de vie. Et là, vous shifter sur les sons, vous venez dans mercredi. Les sons là, nous qui vous êtes chers frères et sœurs, nous vous l'ouvrons dehors. Inch'Allah, vous dire, pour tiens, lundi, nous commençons un nouveau leçon, pour frère Irfan, Inch'Allah. Oui, notre lundi conseil public, mais je ne vais pas dire pour les 7. Les 7 et 14, et vous commencez l'introduction, on explique le livre Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Vous connaissez un là, Alhamdulillah, et la commune de Raladan, Inch'Allah, vous pouvez aller. Ensuite, il faut expliquer nos livres afin que nous la prenions pour qui. Nous prenons un doigt pour une semaine. Nous prenons un doigt par semaine, si les dons nous prenons sur la moitié, excepté quand tu peux dire qu'à la fin d'un an, nous gagnons nos bilans, combien de rats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons à prendre. Donc, notre lundi conseil public, nous connaissons qui est notre nom, les 7 et 14, pour nous aller sur là, ici, Inch'Allah, après Isha, dédié à nous surveiller vers Isha, parce que Isha sur pour nous dire moins 15. Ensuite, les gens là pour bouger pour venir mercredi et à partir de lundi le 28 avril, Inch'Allah, nous continuons. Bon, la fumée, nous venons avec les animaux qui vous sont dit, nous faisons le soleil dans l'ouest. Ensuite, Inch'Allah, nous allons à l'état. Ça qu'on appelle Al-Mawqif. Al-Mawqif, qui veut dire? Al-Mawqif, c'est la place qui déboule. Nous venons à Al-Hashr. Al-Hashr, c'est quoi? Al-Hashr, c'est le tour élevé. Et l'indifférence entre tour élevé, Al-Hashr et Al-Ba'th. Quand nous mettons dans la traduction, nous trouvons tous les deux relevés. Mais seulement quand nous mettons dans le langage arabe, c'est deux mots différents. Al-Bah, Yawma Yubrathoun, avec Yawma Yuhshar. Sorry. Yawma Yuhsharoun, c'est deux mots différents. Excepté qu'il y a une différence entre ça et là. Quand tout le monde levé, se tout prend une seule direction, à la fin d'une seule place. Comment appelle sa place là? C'est Mawqif, à partir de sa place là. Qui étape qui est venue? Veut dire l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jour jugement, comment est-ce qu'il compte, comment se rendre? Qui ça là qui viendra le premier compte? Donne-nous un compte qui nous rendait. Qui va le compte qui nous rendait en premier? Est-ce qu'il vient de la vie directement? Ou bien il y a pour un autre 10 ans avant? Ça va être quelque chose là, Inch'Allah, qui nous détaille. À partir qui nous commence lundi le 28 avril, il l'a un Inch'Allah, sinon jusqu'à le mois, Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.